Le rouge et le noir, chronique de 1830, de Stendhal. Feuilleton en 15 épisodes. Adaptation, Hélène Bleskin. Une réalisation de Michel Sidorov. Huitième épisode. Son ami Fouquet rend visite à Julien au séminaire et lui apprend que Madame de Rênal est tombée dans une profonde dévotion. Dans le même temps, l'abbé Pirard lui annonce qu'il quitte son poste de directeur du séminaire pour une riche cure que lui confie le marquis de La Mole près de Paris. Julien perd ainsi son unique soutien à Besançon. Le lendemain, vers midi, l'abbé Pirard quitta ses élèves. L'évêque l'avait invité à dîner et, pour plaisanter son grand vicaire de Frilair, cherchait à le faire briller. On était au dessert lorsqu'arriva de Paris l'étrange nouvelle que l'abbé Pirard était nommé à la magnifique cure de N à 4 lieues de la capitale. Le bon prélat l'en félicita sincèrement. Le lendemain matin, on suivait presque l'abbé Pirard dans les rues lorsqu'il alla solliciter les juges du marquis de La Mole. Pour la première fois, il en fut reçu avec politesse. Le sévère janséniste, indigné de tout ce qu'il voyait, partit pour Paris. Il fut étonné de l'air noble et du ton presque gai du marquis. Depuis 6 mois, celui-ci intriguait pour faire accepter à la fois au roi et à la nation un certain ministère qui, par reconnaissance, le ferait duc. Mon cher abbé, au milieu de ma prétendue prospérité, il me manque du temps pour m'occuper sérieusement de 2 petites choses assez importantes pourtant. Ma famille et mes affaires. Je soigne en grand la fortune de ma maison, je puis la porter loin. Je soigne mes plaisirs. Et c'est ce qui doit passer avant tout, du moins à mes yeux. L'abbé Pirard était émerveillé de voir un vieillard parler si franchement de ses plaisirs. Je vous estime, et j'oserais ajouter, quoi que vous voyant pour la première fois, je vous aime. Voulez-vous être mon secrétaire, avec 8 000 francs d'appointements? Ou bien avec le double. J'y gagnerai encore, je vous jure. Et je fais mon affaire de vous conserver votre belle cure pour le jour où nous ne nous conviendrons plus. J'ai laissé au fond de mon séminaire un pauvre jeune homme qui, si je ne me trompe, va y être rudement persécuté. Jusqu'ici, il ne sait que le latin et l'écriture sainte. Mais il n'est pas impossible qu'un jour il déploie de grands talents, soit pour la prédication, soit pour la direction des âmes. J'ignore ce qu'il fera, mais il a le feu sacré. Il peut aller loin. D'où sort votre jeune homme? On le dit fils d'un charpentier de nos montagnes, mais je le croirais plutôt fils naturel de quelque homme riche. Je lui ai vu recevoir une lettre anonyme, avec une lettre de change de 500 francs. Ah, c'est Julien Sorel. D'où savez-vous son nom? C'est ce que je ne vous dirai pas. Eh bien, vous pourriez essayer d'en faire votre secrétaire. Il a de l'énergie, de la raison. En un mot, c'est un essai à tenter. Pourquoi pas? Mais serait-ce un homme à se laisser graisser la patte par le préfet de police ou par tout autre pour faire l'espion chez moi? Voilà toute mon objection. D'après les assurances favorables de l'abbé Pirard, le marquis prit un billet de 1 000 francs. Envoyez ce viatique à Julien Sorel et faites-le-moi venir. J'oubliais une précaution. Ce jeune homme, quoique né bien bas, a le cœur haut. Il ne sera d'aucune utilité dans vos affaires si l'on effarouche son orgueil. Vous le rendriez stupide. Ceci me plaît. J'en ferai le camarade de mon fils. Cela suffira-t-il? Quelque temps après, Julien reçut une lettre d'une écriture inconnue et portant le timbre de Chalon. Il y trouva un mandat et l'avis de se rendre à Paris sans délai. La lettre était signée d'un nom supposé, mais en l'ouvrant, Julien avait tressailli. Une grosse tache d'encre était tombée au milieu du 13e mot. C'était le signal dont il était convenu avec l'abbé Pirard. Le lendemain, vers midi, Julien arriva dans Verrières le plus heureux des hommes. Il comptait revoir Madame de Rênal. il alla d'abord chez son premier protecteur, le bon abbé Chélan. Croyez-vous m'avoir quelque obligation ? Vous allez déjeuner avec moi. Pendant ce temps, on ira vous louer un autre cheval et vous quitterez Verrières sans y voir personne. Entendre, c'est obéir. Il monta à cheval, fit une lieue, après quoi, apercevant un bois, il s'y enfonça. Plus tard, il entra chez un vigneron qui consentit à lui vendre une échelle et à le suivre en la portant jusqu'au petit bois qui domine le cours de la Fidélité. Vers 1 heure du matin, Julien, chargé de son échelle, entra dans Verrières. Il descendit dans le lit du torrent qui traverse les magnifiques jardins de M. de Rênal, contenus entre deux murs. Quel accueil me feront les chiens de garde ? Toute la question est là. Les chiens aboyèrent et s'avancèrent au galop sur lui, mais il siffla doucement et ils vinrent le caresser. Il lui fut facile d'arriver jusque sous la fenêtre de la chambre à coucher de Madame de Rênal. Il y avait au volet une petite ouverture en forme de cœur que Julien connaissait bien. À son grand chagrin, cette petite ouverture n'était pas éclairé par la lumière intérieure d'une veilleuse. Grand Dieu ! Cette nuit, cette chambre n'est pas occupée par Madame de Rênal. Où sera-t-elle couchée ? Le plus prudent était de se retirer, mais ce parti fit horreur à Julien. Le cœur tremblant, mais cependant résolu à périr ou à la voir, il jeta des petits cailloux contre le volet. Point de réponse. Il plaça son échelle contre un des volets, monta, et passant la main dans l'ouverture en forme de cœur, il eut le bonheur de trouver le fil de fer attaché au crochet. Il le tira, ouvrit le volet. C'est un ami. C'est un ami. C'est moi. Daignez m'ouvrir, il faut que je vous parle, je suis trop malheureux. Un petit bruit sec se fit entendre. Il poussa la croisée et sauta légèrement dans la chambre. Un fantôme blanc s'éloignait. Il lui prit les bras. Toutes ses idées de courage s'évanouirent. Malheureux, que faites-vous ? Je viens vous voir après 14 mois d'une cruelle séparation. Sortez. Quittez-moi à l'instant. Ah, monsieur Chélan, pourquoi m'avoir empêché de lui écrire ? J'aurais prévenu cette horreur. Je me repens de mon crime. Le ciel a daigné m'éclairer. Sortez ! Fuyez ! Après 14 mois de malheur, je ne vous quitterai certainement pas sans vous avoir parlé. Sortez ! Sortez ! Vous abusez lâchement des sentiments que j'eus pour vous, mais que je n'ai plus. Entendez-vous, monsieur Julien ? Il retirait l'échelle fort lentement pour ne pas faire de bruit. Ton mari est-il à la ville ? Ne me parlez pas ainsi de grâce, ou j'appelle mon mari. Je ne suis déjà que trop coupable de ne vous avoir pas chassé. J'ai pitié de vous. Quoi ? Est-il possible que vous ne m'aimiez plus ? Ainsi, je suis complètement oublié du seul être qui m'ait jamais aimé. À quoi bon vivre, désormais ? Il prit sa main. Elle voulut la retirer. Cependant, elle la lui laissa. L'obscurité était extrême. Ils se trouvaient l'un et l'autre assis sur le lit de Madame de Rênal. Daignez me dire ce qui vous est arrivé ? Sans doute. Mes égarements étaient connus dans la ville lors de votre départ. Quelque temps après... Alors j'étais au désespoir. Le respectable monsieur Chélan va me voir. Un jour, il eut l'idée de me conduire dans cette église de Dijon, où j'ai fait ma première communion. Là, il osa parler le premier. Quel moment de honte! J'avouais tout. Cet homme si bon s'affligea avec moi. Dans ce temps-là, je vous écrivais tous les jours des lettres que je n'osais vous envoyer. Enfin, monsieur Chélan obtint que je les lui remettrais. Quelques-unes vous avez été envoyées. Vous ne me répondiez point. Jamais, je te jure. Je n'ai reçu aucune lettre de toi au séminaire. Grand Dieu, qui les aura interceptées? Juge de ma douleur avant le jour où je t'aperçus à la cathédrale. Depuis le grand sacrifice de ces lettres, qui m'étaient si chères, ma vie s'est écoulée, sinon heureusement, du moins avec assez de tranquillité. Ne la troublez point. Soyez un ami pour moi, le meilleur de mes amis. Oh, ne pleurez point. Vous me faites tant de peine. Je veux savoir votre genre de vie au séminaire. Puis, vous vous en irez. Julien parla des intrigues et des jalousies sans nombre qu'il avait d'abord rencontrées, puis de sa vie plus tranquille depuis qu'il avait été nommé répétiteur. Ce fut alors que vous m'envoyâtes une somme de 500 francs. Jamais ? C'était une lettre signée Paul Sorel, afin de déjouer les soupçons. Il s'éleva une petite discussion sur l'origine possible de cette lettre. La position morale changea. Sans le savoir, Madame de Rênal et Julien avaient quitté le ton solennel. Ils étaient revenus à celui d'une tendre amitié. Ils ne se voyaient point, tant l'obscurité était profonde, mais le son de la voix disait tout. J'ai pris congé de Monseigneur l'évêque. Quoi, vous ne retournez pas à Besançon? Vous nous quittez pour toujours? Oui. J'abandonne un pays où je suis oublié même de ce que j'ai le plus aimé en ma vie. Je vais à Paris. Tu vas à Paris? Oui, madame. Je vous quitte pour toujours. Soyez heureuse. Adieu. Madame de Rênal s'élança vers lui. Il sentit sa tête sur son épaule et qu'elle le serrait dans ses bras. Il voulut absolument allumer la veilleuse. Veux-tu donc qu'il me reste aucun souvenir de t'avoir vu? La blancheur de cette jolie main me sera donc invisible. Songe que je te quitte pour bien longtemps, peut-être. Quelle honte, se disait Madame de Rênal. Mais elle n'avait rien à refuser à cette idée de séparation pour toujours qui la faisait fondre en larmes. L'aube commençait à dessiner vivement les contours des sapins sur la montagne à l'orient de Verrières. Au lieu de s'en aller, Julien, ivre de volupté, demanda à Madame de Rênal de passer toute la journée cachée dans sa chambre et de ne partir que la nuit suivante. Elle alla bien vite cacher l'échelle au grenier et revint bientôt avec des oranges, des biscuits, une bouteille de vin de Malaga, quand soudain Monsieur de Rênal cogna à sa porte. Ouvrez-moi bien vite, il y a des voleurs dans la maison. Saint-Jean a trouvé leur échelle. Je vais sauter dans la cour et me sauver dans le jardin. Tu vas te tuer en sautant ! Julien sauta. Comme il courait, il entendit siffler une balle. Une heure après, il était à une lieue de Verrières. Il fut peu sensible au premier aspect de Paris aperçu dans le lointain. Les châteaux en Espagne sur son sort à venir avaient à lutter avec le souvenir encore présent des 24 heures qu'il venait de passer à Verrières. Une âme comme celle de Julien est suivie par de tels souvenirs durant toute une vie. Il fut réveillé de sa rêverie profonde parce que la voiture s'arrêta. On venait d'entrer dans la cour des postes, rue Jean-Jacques Rousseau. Julien avisa un cabriolet. Je veux aller à Malmaison. À 7 heures, monsieur, et pourquoi faire? Que vous importe, avancez. Toute vraie passion ne songe qu'à elle. Je me garderai de raconter les transports de Julien à la Malmaison. Il pleura. Le soir, Julien hésita beaucoup avant d'entrer au spectacle. Il avait des idées étranges sur ce lieu de perdition. Une profonde méfiance l'empêcha d'admirer le Paris vivant. Il n'était touché que des monuments laissés par son héros. Me voici donc dans le centre de l'intrigue et de l'hypocrisie. Le soir du troisième jour, la curiosité l'emporta sur le projet de tout voir avant de se présenter à l'abbé Pirard. L'abbé lui expliqua, d'un ton froid, le genre de vie qui l'attendait chez Monsieur de La Mole. Vous allez loger chez le marquis, l'un des plus grands seigneurs de France. Vous porterez l'habit noir, mais comme un homme qui est en deuil, et non pas comme un ecclésiastique. Chaque jour, à midi, vous vous établirez dans la bibliothèque du marquis qui compte vous employer à faire des lettres pour des procès et d'autres affaires. Le soir, à 8 heures, vous mettrez son bureau en ordre et à 10, vous serez libre. Il se peut que quelque homme, au ton doux, vous fasse entrevoir des avantages immenses pour lui montrer les lettres reçues par le marquis. Ah, monsieur. Ce qu'il y a de singulier, c'est que le marquis vous connaît, je ne sais comment. Il vous donne, pour commencer, 100 louis d'appointement. C'est un homme qui n'agit que par caprice. C'est là son défaut. Ah ! J'oubliais la famille de Monsieur de la Mole. Il a 2 enfants, une fille et un fils de 19 ans, élégant par excellence, espèce de fou qui ne sait jamais à midi ce qu'il fera à 2 heures. Il a de l'esprit, de la bravoure. Le marquis espère, je ne sais pourquoi, que vous deviendrez l'ami du jeune comte Norbert. J'ai dit que vous étiez un grand latiniste. Je ne vous cacherai pas que le jeune comte de la Mole doit vous mépriser d'abord, parce que vous n'êtes qu'un petit bourgeois. Son aïeul, à lui, était de la cour. Il eut l'honneur d'avoir la tête tranchée en place de grève. Le 26 avril 1574, pour une intrigue politique. Prenez garde à la façon dont vous répondrez aux plaisanteries. Le fiacre s'arrêta. Le cocher souleva le marteau de bronze d'une porte immense. C'était l'hôtel de la Mole. Ses lettres se lisaient sur un marbre noir au-dessus de la porte. Ils ont tant de peur des Jacobins. Ils voient un Robespierre et sa charrette derrière chaque haie. Pauvre enfant, quelle épouvantable idée vous est venue là! Il s'agissait d'un de ces hôtels à façade si plate du faubourg Saint-Germain, bâti vers le temps de la mort de Voltaire. Jamais la mode et le beau n'ont été si loin l'un de l'autre. En voyant Julien, le marquis jugea ses grâces d'une manière si différente de celle du bon abbé qu'il lui dit « Auriez-vous quelque objection à ce que M. Sorel prît des leçons de danse ?»« Non, Julien n'est pas prêtre. » Le marquis alla lui-même installer notre héros dans une jolie mansarde qui donnait sur l'immense jardin de l'hôtel. « Combien avez-vous pris de chemises chez la lingère ?» Deux. Fort bien. Prenez encore 22 chemises. Voici le premier quartier de vos appointements. Arsène, vous servirez Monsieur Sorel. Peu de minutes après, Julien se trouva seul dans une bibliothèque magnifique. Ce moment fut délicieux. Je pourrais lire tout cela. Et comment me déplairais-je ici ? Monsieur de Rênal se serait cru déshonoré à jamais de la 100e partie de ce que le marquis de la Mole vient de faire pour moi. Mais voyons les copies à faire. Cet ouvrage terminé, Julien osa s'approcher des livres. Il faillit devenir fou de joie en trouvant une édition de Voltaire. Les 80 volumes étaient reliés magnifiquement. Une heure après, le marquis entra, regarda les copies et remarqua avec étonnement que Julien écrivait « cela » avec 2 L. « Cela ». Tout ce que l'abbé m'a dit de sa science serait-il tout simplement un conte ? Vous n'êtes pas sûr de votre orthographe ? Il est vrai. « Cela » ne s'écrit qu'avec une L. Quand vos copies seront terminées, cherchez dans le dictionnaire les mots de l'orthographe desquels vous ne serez pas sûr. À 6 heures, le marquis le fit demander. Il regarda avec une peine évidente les bottes de Julien. « J'ai un tort à me reprocher. Je ne vous ai pas dit que tous les jours à 5h30, il faut vous habiller. Je veux dire mettre des bas. Arsène vous en fera souvenir. Aujourd'hui, je ferai vos excuses. » Monsieur de la Mole fit passer Julien dans un salon resplendissant de dorure. Il le présenta à une femme de haute taille et d'un aspect imposant. Madame la marquise. C'était la marquise. Elle daigna à peine le regarder. Les hommes réunis dans ce salon semblèrent à Julien avoir quelque chose de triste et de contraint. On parle bas à Paris et l'on n'exagère pas les petites choses.